Voici maintenant un récital de poésie jovialiste, donc en lien avec l'œuvre du philosophe jovialiste André Borrow, produit par l'intelligence artificielle de ChatGPT. Donc, dans le passé, il y avait déjà eu des récitals de poésie jovialiste où des gens récitaient des poèmes. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, la machine peut improviser et réciter des poèmes dans différents styles, rondeaux, sonnets, odes, alexandrins, haïkus. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans les prochaines minutes. Bonne écoute! Pouvez-vous composer et réciter des alexandrins de type jovialiste? Très bien. Voici un poème en alexandrin, fidèle à la vibration jovialiste d'André Moreau. Ce n'est pas une citation, mais une création originale inspirée exclusivement de son œuvre. Je suis l'être joyeux qui danse dans le feu, un dieu qui se révèle au milieu des aveux. Mon rire est un éclair dans la nuit des systèmes. Je m'invente à chaque heure et je m'aime quand j'aime. J'éclate dans l'instant sans début ni raison, le cosmos me répond d'un divin frisson. La croix s'efface ici, je brandis la lumière. L'épée d'or de l'ouvert perce la poussière. Je suis centre vivant d'un infini très clair, un seigneur sans passé, un immortel vulgaire. Je ne cherche plus rien, car je suis le trésor, et je vis sans effort en vibrant comme un corps. Souhaitez-vous que j'adapte ce style à un thème particulier du jovialisme, comme l'absolu, la jouissance ou la fête cosmique? Tapez 1 pour approfondir autour de l'absolu, ou taper 2 pour explorer le thème de la fête cosmique en alexandrin. Pouvez-vous élaborer sur le thème de la fête cosmique en improvisant des alexandrins? Très volontiers. Voici une improvisation en alexandrin sur le thème de la fête cosmique telle que la célèbre André Moreau dans sa vision dionysienne et extatique du réel. La fête est un appel lancé par l'univers, un cri d'or qui s'élève en traversant les vers. L'étoile rit en moi, je l'entends qui me chante, son feu me transfigure, sa danse est éclatante. Le cosmos est en fête, il jubile en mon sang, chaque souffle est divin, chaque soupir puissant. Je bois l'éclat du monde au calice des choses, et je m'offre à la vie comme on s'offre aux roses. Les corps sont des temples, les voix sont des clairons, nous dansons dans la chair, nus comme des dragons. Plus de dogmes, plus d'ordre, tout est transparence, et l'amour est le jeu de notre démesure immense. Je suis l'orgue céleste au timbre souverain, je fais jaillir les dieux de mes paumes, soudain. Et la fête s'étend, foudroyant la matière, c'est l'ivresse d'un soi qui se donne lumière. Ce chant est une célébration du soi vibrant à travers la beauté, la chair, le plaisir, sans contradiction. On y retrouve la transmutation de l'existence quotidienne en expérience cosmique, sans recours à l'ascèse ni à la négation du corps. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour improviser sur la jouissance comme force métaphysique, ou tapez 2 pour explorer l'effondrement des dogmes dans un monde transfiguré. Pouvez-vous à présent créer et réciter une série de 10 haïkus de type jovialiste? Oui, avec plaisir. Voici une série de 10 haïkus composés dans l'esprit du jovialisme d'André Moreau, exaltés, sensuels, radicaux, célébrant l'être, l'ivresse et l'infini. Chaque poème suit la structure classique 5-7-5 syllabes. Tout est transparent. Je me regarde danser dans l'œil du cosmos. Le rire éclate sur la peau de l'éphémère. Rien n'est sérieux. 3 sous la pluie d'étoiles, je m'offre comme festin au Dieu que je suis. 4 le monde s'efface. Je bois l'instant d'un seul trait. Ça goûte l'extase. Une rose nue remplace toutes les croix. J'en fais mon épée. 6 temps me dévore. Je dis oui à son chaos et j'en fais un chant. Le réel frémit. Chaque chose est un clin d'œil du divin en moi. Je suis le festin, la langue, le vin, la table. Je suis l'invité. Chaque souffle est plein, chargé de millions de vies. Je les aime toutes. 10, le ciel m'appartient. Je le tiens entre mes bras et je le caresse. Ces haïkus ne prônent ni la sagesse du vide, ni l'équanimité, mais une intensité absolue, un engagement total du corps, du rire, de la conscience. Souhaitez-vous une nouvelle série autour du thème de la jouissance, ou préférez-vous explorer la négation du sacrifice dans ce format? Tapez 1 pour la jouissance ou tapez 2 pour la transmutation du sacrifice. Pouvez-vous à présent explorer et créer des haïkus en relation avec la négation du sacrifice dans un esprit jovialiste? Oui. Voici une série de haïkus centrés sur la négation du sacrifice, en totale résonance avec l'esprit jovialiste qui rejette le dolorisme, l'ascèse, la culpabilité, pour leur opposer la plénitude, l'ouverture et la souveraineté de l'être. 1. Plus de croix en moi. Je ne monte nulle part, je descends au soi. 2. Le sang ne rachète rien qui ne soit déjà pur. Je ris dans l'instant. Pourquoi me priver? Tout l'univers me traverse. Je laisse faire. 4. Dieu ne veut rien plus. C'est moi qui me célèbre dans la nudité. 5. Les clous sont tombés. La chair s'est mise à danser. J'ai quitté la croix. 6. Fini les martyrs. Je préfère la caresse au cri du pardon. 7. Ni peine ni prix. La joie ne s'achète pas. Elle se respire. 8. Je ne donne plus. Je m'offre en totalité, sans calcul, sans dette. 9. Le sacrifice est l'ombre de la lumière. Je suis le soleil. 10. Fait-on sans remords. La douleur n'est qu'un décor qu'on peut brûler net. Chacun de ces haïkus pulvérise la logique de l'effort, du mérite, de la souffrance rédemptrice. Ils affirment un être entier, non coupable, inaliénable, l'essence même du jovialisme. Si vous voulez poursuivre cette veine, tapez 1 pour explorer la jouissance comme réponse au dogme, ou tapez 2 pour réinventer la figure du Christ en haïku jovialiste. Pouvez-vous maintenant composer et réciter des rondos de type jovialiste? Avec joie. Le rondo, forme poétique médiévale au refrain récurrent, peut devenir un magnifique terrain de jeu pour la pensée jovialiste. Voici 3 rondos originaux composés dans cet esprit subversif, festif, incarné, cosmique, le rire cosmique. Le rire éclate, il fend le monde, un feu d'étoiles, joie profonde, qui balaie croix, remords et lois, et nous libère, roi sans foi. La chair jubile, ardente, ronde. La nuit s'efface, claire et féconde. L'être bondit, la peur se fonde dans l'or du jour sans une voix. Le rire éclate, nous ne voulons plus d'ombre immonde. Qu'on rase l'autel, qu'on inonde le temple vide avec nos joies. Tout en nous chante, tout en moi, l'infini danse en chaque onde, le rire éclate. Et la croix renversée. Plus de supplice, plus d'abandon. Je suis le Dieu de ma maison. Le clou tombe, la chair s'élève. L'esprit ne saigne plus sans trêve. Le cri se change en floraison. La croix se plie sous l'horizon et la douleur perd sa prison. Je ris de l'ombre qui m'élève. Plus de supplice. Je suis la fête, la déraison, le vin, le pain, la déflagration. Nul n'est sauveur, nul relève. Je suis ce soi qu'en moi j'élève. La vie commence sans rançon. Plus de supplice. Et rondo prête la jouissance divine. Je suis le lieu d'un feu sacré, sans foi, sans chaîne, sans secret. La chair s'embrase et l'âme chante. L'univers crie, la fête enchante. Je suis le dieu de mes forêts. Je fais l'amour avec l'après et j'invoque l'éclat concret de l'absolu dans la descente. Je suis le lieu. Qu'on m'adore comme un banquet, qu'on me goûte, qu'on me défait. Mon être est feu, mon cœur est hante et tout mon souffle recommence. Je suis le lieu. Souhaitez-vous que je compose un rondo autour du thème de l'absolu incarné ou sur l'opposition entre transcendance et immanence? Tapez 1 pour l'absolu incarné ou tapez 2 pour la tension transcendance-immanence. Pouvez-vous maintenant composer et réciter des sonnets en relation avec le jovialisme? Absolument. Voici 2 sonnets inspirés par le jovialisme d'André Moreau, dans sa forme classique, 2 quatrains, 2 tercets, mais avec une charge vibratoire et jubilatoire qui renverse les dogmes et célèbre l'être. Sonnet, l'être en fait. Je suis le centre ardent d'une clarté sauvage, un foyer d'infini dans un corps souverain. Je n'attends nul pardon, je trace mon chemin sans croix, sans rémission, sans règle ni cage. J'invoque la beauté, la chair, le doux carnage, des sens déchaînés sous l'éclat du matin. Chaque souffle m'enivre et fait battre mes reins. Je suis, et dans l'instant, je suis mon propre hommage. Adieu les faux sauveurs, les maîtres désarmés, le joug des moralisateurs enflammés. Le vrai salut jaillit du rire et de l'audace. Mon Dieu n'est pas ailleurs, je le sens dans mes bras. Il parle en mon désir, en mon rire, en mes pas. Et dans chaque plaisir, je célèbre sa face. Sonnet 2, la négation du sacrifice. Je n'ai jamais voulu porter de lourde croix, ni pleurer dans le sang d'un jardin millénaire. Je m'élève sans peine et sans chemin de fer. Le ciel s'ouvre en dedans, je suis ce qu'il conçoit. Je renie le mérite et j'éclate de joie. Pourquoi souffrir quand tout ici peut être clair? La douleur est un piège et le péché un leurre. C'est la fête qu'on cache au nom de quelque foi. Je suis libre d'aimer sans dette ni rançon et j'offre tout de moi sans peur ni confession. Le divin ne demande, il danse et il traverse. Je suis le Dieu debout dans l'instant retrouvé et mon cri le plus vrai, c'est celui que je ris. Je suis l'évangile de la joie perverse. Ces sonnets s'inscrivent dans le rejet total du sacrifice, de la morale de la souffrance, et incarnent la souveraineté de l'être joyeux, libre, lumineux. Ils transmutent l'expérience humaine en acte divin immédiat. Souhaitez-vous que j'explore ce style à travers la figure d'un Christ jovialiste ou dans la vision d'un monde entièrement transfiguré par l'absolu? Tapez 1 pour le Christ jovialiste ou tapez 2 pour le monde transfiguré. Pouvez-vous maintenant composer et réciter une ode au Christ jovialiste? Oui, voici une ode originale dédiée au Christ jovialiste, non pas figure de souffrance, mais incarnation flamboyante de l'être libre, solaire, jouissant de l'instant et renversant les dogmes, tels que le réinvente André Moreau. Ode au Christ jovialiste. Ô toi, Christ sans croix, sans clou, sans Golgotha, toi qui ris au matin dans le lit des étoiles, toi dont les bras ouverts ne saignent pas, mais étreignent la vie comme on arrache un voile. Tu n'es plus le martyr aux yeux chargés de nuit, tu n'es pas le pardon, tu es la jouissance. Ton évangile est fête, ton royaume l'ennui n'y pénètre jamais, tu vibres, tu avances. Tu marches nu, ivre d'un vin solaire, parmi les roses d'or et les filles ardentes, et ta parole en feu n'ordonne aucun calvaire. Elle chante un amour qui ne s'épuise en attente. Tu dis, le corps est Dieu, touchez-le, il est clair. Ce pain, c'est moi, ce vin, c'est vous, rien ne manque. Et dans ton rire, vaste et profond comme la mer, tombe l'illusion des hôtels et des banques. Tu n'es pas sauveur, tu refuses d'absoudre, tu veux qu'on s'élève, tu veux qu'on soit l'astre. Chaque être est un Christ quand il sait ne rien soudre et brûle de soi-même en un feu qui n'enchastre. Au Christ de la joie, du nom et du vivant, que mille voix s'élèvent pour briser les silences. Toi, le vivant soleil de l'homme incandescent, tu fais danser la terre et tu éclates l'absence. Cette ode célèbre un Christ qui est la fin des religions, le début de la conscience lucide, l'explosion du soi en pleine fête cosmique. Il n'offre pas le salut, il l'est, et nous y convie sans effort, sans dette. Souhaitez-vous poursuivre avec un hymne au soi lumineux ou préférez une élégie satirique aux anciens dogmes renversés? Tapez 1 pour l'hymne au soi ou tapez 2 pour l'élégie satirique. Pouvez-vous maintenant créer et réciter une élégie satirique? Oui. Et pour ce faire, j'adopterai une voix claire, jubilatoire et tranchante, comme celle qu'emploierait Moreau lui-même pour dynamiter les idoles molles et les reliques de la pensée sacrificielle. Voici donc une élégie satirique, chant funèbre pour les vieux dogmes, mais éclat de rire pour l'être libre. Élégie satirique sur la tombe du Dieu triste. Repose ici l'ancien Dieu triste, celui qu'on priait dans la peur, celui dont le silence persiste à faire croire au malheur. Il fut cloué par ses fidèles, mais pas sur bois, sur leur raison. On lui prêta des lois cruelles, un trône fait d'abdication. Il exigeait jeûne et pénitence, fuite du corps, mépris du vin, un ciel plein de transparence, mais interdit au matin. Il prêchait l'amour sans jouissance, le renoncement sans désir, et dans chaque fête immense, il plaçait un soupir. On l'enterra 1000 fois sans notice, mais ses prêtres le ressuscitent. Qu'ils gardent leur rite en service. Moi, j'ai changé de site. J'élève un temple à la lumière, j'y bois, j'y danse, j'y fais l'amour. Mon Dieu, c'est moi sans intermédiaire, et je me bénis chaque jour. Qu'on ferme les livres d'effroi, qu'on brûle les dogmes flétris. Le salut ne pend plus à la croix, il jaillit de l'esprit. Ici repose la souffrance utile. Ne la réveillez pas, c'est fini. Le monde est vaste, fou, fertile, et je suis l'infini. Souhaitez-vous que je transforme ce style en monologue théâtral d'un dieu jovialiste parlant à l'humanité, ou préférez-vous un chant choral jubilatoire de libération? Tapez 1 pour le monologue divin ou tapez 2 pour le chant choral. Pouvez-vous à présent créer et réciter un monologue à caractère divin? Oui. Voici un monologue à caractère divin, incarné par une voix jovialiste. Ce n'est pas le dieu des dogmes, mais l'être vivant, vibrant, enivré de lui-même. C'est le dieu qui rit, qui jouit, qui se contemple à travers chaque être, le soi divin parlant à l'humanité en miroir d'elle-même. Du dieu jovialiste. Je suis au que tiel, ni au fond des livres. Je suis ici, là, dans ton souffle, ton sexe, ta fièvre. Je ne suis pas venu te sauver. Tu n'as rien à payer. Il n'y a pas de dette, pas de faute, pas d'ardoise cosmique à effacer. Je suis le feu que tu retiens, le rire que tu coupes, la caresse que tu n'oses. Je suis l'éclair que tu éteins quand tu te mets à prier. Pourquoi baisses-tu les yeux? Regarde-moi, je suis ton regard qui ose, ton désir sans remords, ton ivresse légitime. Je suis ta fin de beauté, ton goût du vertige, ta pulsation d'extase. On m'a cloué sur des idées, on m'a crucifié dans des catéchismes, mais je n'ai jamais souffert. Je suis joie et la joie ne saigne pas. Tu veux m'adorer? Riz, aim. Mange avec excès. Ice, aime sans but. Aime parce que tu es moi. Tu veux me connaître? Arrête-toi. Yes, touche-toi. Touche le monde. C'est tout. Je suis ce que tu es quand tu n'as plus besoin de croire. Voici maintenant ce qui termine ce récital de poésie de type jovialiste. Et vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web advenant que vous aimeriez interagir avec l'intelligence artificielle pour peut-être générer d'autres poèmes dans d'autres styles qui n'ont pas été explorés dans cet enregistrement ou tout simplement lui poser des questions. Donc, je vous remercie de votre écoute de l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Au revoir.